Java, qu'est-ce que tu fais là? Entre les deux bras d'un accordéoniste. Faut pas gaspiller comme ça avec tous les gars qui se prennent pour des artistes. Tu te ramènes et tu t'en vas à l'envers, à l'endroit. Et tu miaules comme un chat qui se bagnote sur les toits. Java, qu'est-ce que tu fais là? Entre les deux bras d'un accordéoniste. Faut pas nous prendre pour des touristes. On n'est pas des Auvergnats. T'en pince un peu pour les ceux qui portent des bretelles. Faut voir avoir à savoir trier sa clientèle. Quand les poulets à sifflet te mettent tout en transe, tu leur donnes la contredanse. Et puis voilà, Java, qu'est-ce que tu fais là? Entre les deux bras d'un accordéoniste. Faut pas gaspiller comme ça avec tous les gars qui se prennent pour des artistes. Paradis tourne avec toi à l'envers, à l'endroit. Viens donc voir un peu par là qu'on profite de ça. Java, qu'est-ce que tu fais là? On attend que toi pour balayer la piste. C'est pas joli d'être égoïste avec tes petits potes à toi. Java, qu'est-ce que tu fais là? Avec ta mine triste, je cherche un accordéoniste pour m'endormir dans ses bras.